messin plutôt que français. De messe plutôt que français. Car la France, elle m'a abandonné. Un matin de septembre, il y a deux choses qui font un homme. Sa mère et sa ville. Plus jeune, mon père me disait, on se trouvera dans le caniveau. L'aiguille plantée dans le bras, et tu vivras sous les ponts. Mais qu'est-ce qui se passe sous les ponts de nos jours? Plus personne va sous les ponts de nos jours. Et ça se trouve, c'est un monde meilleur, peuplé de clochards et de ruisses. Messin plutôt que français, de messe plutôt que français, car la France elle m'a abandonné. Un matin de décembre, il y a deux choses qui font un homme, sa mère et sa drogue. Plus jeune, mon père me disait, tu mourras sous les ponts. Mais je suis drogué plutôt que français. Drogué plutôt que français. Car la France, elle m'a abandonné. Et la drogue, elle m'a jamais lâché. Plus jeune, mon père me disait, on se retrouvera dans le caniveau. Une aiguille plantée dans le bras, et tu vivras sous les ponts. Putain, mon père, ce mec qui a eu tort tout ça, putain de vie, pour une fois, il avait.